À l'occasion de la Journée du Soleil, l'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée a présenté le vent courant dans son page d'Internet l'œuvre classique du président Kim Il-sung pour une grande union de notre nation.